Vous êtes toujours sur le 100 FM, on a écouté Les Slits pendant assez longtemps avec une bonne succession de morceaux. Le dernier c'était Typical Girl. On va continuer maintenant avec Brian Eno, Dead Fix Don't Talk, entrecoupé. Donc la session musicale bien évidemment qui va venir va être entrecoupée d'extraits d'une émission qui s'appelait Atelier Intérieur sur une personne qui m'est très chère, un cinéaste qui s'appelle FJO100. Allez, enjoy. So perceptive, and I wonder how you knew. But these things don't work too well. A bad sense of direction, and so they stumble. Chicken. Can those poor teeth take so much kicking? You're always so charming. As you peck your way up there. And these pigs don't dress too well. I don't need another chain. Still you forced away into my scheme of things. You say sweet. passiert. In meinen Adern kreisen die kleinen Monster. Diese perversen kleinen Monster sind einfach gekommen und ich werd sie nicht mehr los. Sie krabbeln mein linkes Bein hinunter und am rechten wieder hoch. Neulich saß mir eines auf der Schulter und knabberte an meinem Ohr. Da hilft dir auch kein Gummihut, die ziehen jetzt um die Welt. Sie fressen an der Menschenbrut, es ist niemand, der sie hält. Ich hab den ganzen Tag geheult und mein Leben verflucht. Als sie mein Blut durchsuchten und ein kleines Monster durchs Mikroskop lachte, mir fuhr langsam ein Arm ab und sie haben ein Loch gefressen. Vom Schienenbein bis zum Brustkorb, mir scheint, sie haben an mir eine Menge Spaß. Diese ulkigen kleinen Monster, diese ulkigen kleinen Monster, diese ulkigen kleinen Monster, diese ulkigen kleinen Monster. Mein übriges kurzes Leben verbringe ich im Hospital. Komm mich doch ruhig mal besuchen, ich habe hier was für dich. Da hilft dir auch kein Gummihut, die ziehen jetzt um die Welt. Sie fressen an der Menschenbrut, es ist niemand, der sie hält. Sag, hast du die kleinen Monster schon? Sag, hast du die kleinen Monster schon? Du bleibst auf Dauer nicht ohne sie, denn die ziehen jetzt um die Welt. Warte nur ab, du kommst auch noch dran. Demnächst, wenn du dich vermehrst, ziehen die kleinen Monster um, ohne dass du es bemerkst. Da hilft dir auch kein Gummihut, die ziehen jetzt um die Welt. Sie fressen an der Menschenbrut, es ist niemand, der sie hält. Da hilft dir auch kein Gummihut, die ziehen jetzt um die Welt. Wir fressen an der Menschenbrut, es ist niemand, der uns hält. Ich steig auf die Frauen, das ist nicht verboten. Bislang hieß es sogar, das sei gesund. Doch kürzlich, da schrie meine Freundin auf, hielt ein Büschel Haar in der Hand. Denn auch meine Freundin hat sie schon, diese unscheinbaren kleinen Monster. Ihr fällt jetzt langsam das Haar aus und auf der Brust hat sie rote Flecken. Sex hat mir immer viel Spaß gemacht, ja ich hänge da eigentlich dran. Doch neulich ist wohl irgendwas schiefgelaufen, da stimmte wohl irgendwas nicht. Ich bin auch nicht schwul und ich nehme keine Drogen, wieso passiert das eigentlich mir? Du denkst an nichts Schlimmes, da kommen sie, diese miesen kleinen Monster. Da hilft dir auch kein Gummihut, die ziehen jetzt um die Welt. Sie fressen an der Menschenbrut, es ist niemand, der sie hält. Da hilft dir auch kein Gummihut, die ziehen jetzt um die Welt. Sie fressen an der Menschenbrut, es ist niemand, der uns hält. Da hilft dir auch kein Gummihut, die ziehen jetzt um die Welt. Sie fressen an der Menschenbrut, es ist niemand, der uns hält. Da hilft dir auch kein Gummihut, die ziehen jetzt um die Welt. Bien sûr, oui, parce que oui, on disait comme ça, ce procédé un petit peu aussi de corrompre la surface, enfin qui était vraiment procédé soviétique, quoi, des années 20, quoi. Comme disait Borges, j'ai inventé la façon de filmer le point de vue du monde depuis la bouteille. mais oui, c'est Bachelard qui parle de la façon dont l'eau réfléchit tous les états, tous les états d'âme, en fait, toutes les émotions. C'est-à-dire une eau vive, une eau lourde, une eau pâle, une eau morte. Et c'est vrai que bon, le flux, que ce soit le fleuve, la pellicule, le Styx, enfin tout. Le retour à un état finalement aussi à peu près natal, dont tu as beaucoup parlé avec génie prémonitoire, puisque c'est le conte à propos de la sanglante nourriture des rêves. Et donc, oui, c'était l'idée de faire un film élémentaire, élémental un peu. Il y a aussi une espèce de dramaturgie du vent, des éléments, de la brume. Parce que c'est vrai que dès que l'horizon est bouché, la perception devient fantastique. C'est vrai que vivre trois jours dans la brume, c'est quelque chose de en fait, c'est vraiment une expérience mentale forte. Thank you. foggy night, an abandoned road, and a twilight mirror mirage. With no indication of a service station or any kind of all-night garage. I was misinformed, I was misdirected, cause that interchange never intersected, leaving me marooned beneath the bloodshot moon on a foggy night, on a foggy night. On a foggy night, an abandoned road in a blurred brocade collage. Is that a road motel? I can't really tell. You gotta tell me, is that a vacancy lodge? Cause there's no consolation or situation to be aimlessly askew. I missed a powder blue, no telltale light clue. Now it's spun like a spell, you spin some kind of precarious pandemonium all on a foggy night. On a foggy night, an abandoned road, in a twilight mirror mirage. With no indication of any kind of service station or all-night garage. I was misinformed, I was misdirected. That interchange never intersected, leaving me marooned beneath the bloodshot moon on a foggy night. It's like a sweepstakes ticket, some kind of Broadway arcade. Heads you win, tails I lose. Right now I'm rambling, I'm gambling on a foggy night. On a foggy night, on some kind of foggy night, on a foggy night. Thank you very much. Good night now. Yeah, you'll have to keep it up. Catch him before he gets out the door. Tom Waits, everybody. It looks like we're going to get another one. Are you he, she, it? Are you he, she, it? Are you he, she, it? Are you he, she, it? All the Hollywood boys, all the teachers, and the tension emulation, all the bells, all the first of the children, and the creatures, hope I listen all together, go to hell. All the barrels make the run, and the playground, it doesn't matter what the other people say. Not even war could stop the overgoing around, it's all the same kind of on the hell day. Change your brain to shy, take a man of doesn't help you anymore. NFT, you have to stay. why this? Zach avec ABC Swing à l'instant, sorti des compilations Underground Productions dont je vous ai parlé longuement pendant toute cette année. C'est l'heure du deuxième live maintenant sur le 100 FM Lost in Space. On retrouve Air, groupe français que tout le monde connaît, qui a fait la musique du magnifique film de Sofia Coppola, Virgin Suicide. Ici, on les retrouve dans un concert à Hollywood en 2001, justement pour la promotion de ce film Virgin Suicide, et ça commence avec Cemetery Party. Thank you. God on tracks and Jason Faulkner on vocals. Hadn't heard us call, still do not hear us, call him out of those rooms where they went to be alone for all time. Alone in suicide, which is deeper than death, and where we will never find the pieces to put them back together. Okay. Apparently you like the music. I hope you will like the movie too. It's called The Virgin Suicide. And now a little bit of air time. Thank you. Hi. I was now backstage and I met a friend. He came to the show. Let me introduce Mr. Money Mark on keyboard. Thank you. toujours sur le 100 FM Radioactive avec Lost in Space, le live de Air, c'est fini. On continue en musique avec encore une fois des extraits de ce polar splendide de James Ellroy, Perfidia. Mais avant, c'est Malvina Reynolds qui va nous chanter God Bless the Grass. God bless the grass that grows through the crack. They roll the concrete over it to try and keep it back. The concrete gets tired of what it has to do. It breaks and it buckles and the grass grows through. And God bless the grass. God bless the truth that fights toward the sun. They roll the lies over it and think that it is done. It moves through the ground and reaches for the air. And after a while, it is growing everywhere. And God bless the grass. God bless the grass that grows through cement. It's green and it's tender and it's easily bent. But after a while, it lifts up its head. For the grass is living and the stone is dead. And God bless the grass. God bless the grass that's gentle and low. Its roots, they are deep, and its will is to grow. And God bless the truth, the friend of the poor, and the wild grass growing at the poor man's door. And God bless the grass. Tell me no lies if you don't mind, and come with me there where the sun flies, there where the sky is bluer still, is where we'll be. Give you everything I can. Have no fear, for if you stumble or should you fall down on the way, I'll be there. Close your eyes, my love. She saw it's just for you. Keep this a secret. Make me a promise that you will. I'll make one too. Close your eyes, my love. Close your eyes. Gently. sun flies, there where the sky is bluer still, is where we'll be. Ashida s'agenouille et les examine. Les bords ont brûlé sous la chaleur dissipée par la bouche du canon. Les bribes de laine d'acier retombent de ses mains en virevoltant sur elle-même. Ashida retourne vers le comptoir. Pinker a sorti sa trousse d'identification criminelle. Mix débouche une bouteille d'alcool fort prise sur un rayonnage du drugstore et il la fait circuler. Blanchard fait une descente sur le présentoir à chewing-gum. Mix se bourre les poches de préservatifs. La bouteille d'alcool fort passe de main en main. Ashida refuse d'en boire. Les pharmaciens avalent de solides lampées. Les vieilles dames gloussent et en prennent une gorgée. Blanchard annonce. Il y a du nouveau d'après la police urbaine. La voiture a été abandonnée à trois pâtés de maison d'ici. Pour l'instant, on n'a relevé que des traces laissées par des gants sur le tableau de bord. Mick s'allume un cigare. Est-ce qu'il a touché à quoi que ce soit à l'intérieur du magasin ? Vous avez remarqué un détail qui pourrait m'aider ? Le gros pharmacien tousse. En ressortant, il a frôlé le présentoir des illustrés. Il me semble que des fibres de son manteau ont pu s'y accrocher. Pinker s'éclipse à ce moment précis. Ashida s'en aperçoit et passe rapidement devant les témoins. Le présentoir est rempli d'exemplaires de Mickey Mouse et de Tarzan. Ashida le fait tourner deux fois. Rien, et puis rien. Ah, si, juste là. Des fils rouges vifs coincés sur un ergot métallique. De la laine feutrée, très dense, à la texture familière. Ashida sort un stylo et une enveloppe. Il saisit les fils de laine et les glisse dans l'enveloppe qu'il cachette. Il y inscrit CP211, Drugstore Wallen, 61241. On rit bien à l'autre bout du magasin. Blanchard et Mix font une imitation des Ritz Brothers. Ashida renifle l'enveloppe. Il capte l'odeur de la laine à travers le papier. Tout à coup, le rapprochement s'impose à lui. Le policier militaire soupçonné de viol. Ses fibres de laine proviennent de son brassard. Pinker a dit qu'il venait encore de violer une femme. Ce crétin porte son brassard quand il cherche une nouvelle victime. Thank you. manteau du braqueur n'était pas rouge. Les ergots du présentoir se trouvent au niveau de la ceinture du braqueur. Le manteau possédait des poches accessibles par le dessus. Les fibres textiles ont pu être arrachées à un objet dépassant de l'ouverture de la poche. Ashida possède divers types de fibres textiles dans son labo, installé dans l'appartement de sa mère. Il pourrait confirmer ou exclure son hypothèse concernant leur nature. Un coup de sifflet. Pinker lui fait savoir qu'il a besoin de lui tout de suite. Ashida remonte vers la source du signal. Pinker se trouve de nouveau dans la section pharmacie du magasin. Il a sorti son appareil de prise de vue pour illustrer ses constatations. Il prend 3 clichés du point d'impact de la balle et 3 clichés des débris métalliques issus du silencieux. Ce braquage m'intrigue. Ce type n'a pas terrorisé les témoins avec son arme, il n'a pas volé l'argent de la caisse. Il a pressé la détente pour le plaisir. Ashida acquiesce, comme s'il voulait tester son silencieux. Et pourquoi n'a-t-il volé qu'un seul flacon de phénobarbital ? Pinker hoche la tête. J'aime bien l'hypothèse du tir d'essai. De toute évidence, il s'agit d'un réducteur de son de fabrication artisanale parce qu'on a trouvé des fragments de laine d'acier alors qu'une seule balle a été tirée. 8 ou 10 coups de feu auraient rendu le dispositif inefficace. Vous avez raison, et le gérant dit que ce n'est pas cet homme-là qui a dévalisé son magasin à 4 reprises. Quel que soit son mobile principal ou secondaire, il a choisi une cible facile. Pinker assemble les restes de laine d'acier dans une enveloppe. Il y a probablement des combles entre le plafond et le toit. Le plafond est constitué de plaques de plâtre, simplement posées sur un cadre métallique. Ashida saute en l'air et déloge celle qui est la plus proche de l'impact de la balle. Pinker lui fait la courte échelle. Ashida profite de son aide et atteint l'ouverture. Les combles ne sont que planches moisies et toiles d'araignée. Ashida se hisse à l'intérieur. Il perçoit des relents de déflagration. Quand il se met debout, il se prend dans une toile d'araignée. Il s'en débarrasse du plat de la main et sort sa petite lampe torche. Le faisceau révèle des essaims d'insectes et un rat qui détale. Là, 6 fragments d'une balle désagrégée. Often possessive, indulgent, needy, and sentimental. Thank you. Fais bien attention. Tu es sur cette affaire depuis le début. Il y a ta mission officielle et il y a toi. Il jette un coup d'œil à sa montre. Il tient sa lampe électrique entre ses dents et sort une autre enveloppe. Il y inscrit CP211, Drugstore Wallen, 10h16, 6-12-41. Il glisse 4 fragments de la balle dans l'enveloppe. Il met les 2 autres dans sa poche. Le rat se faufile entre ses pieds. Ashida s'époussette et saute par l'ouverture. Il atterrit en souplesse. Il remarque que Buzz Mix examine les étagères des narcotiques. « Regardez ça, mon petit !» Ashida regarde. « Gagné ! 4 rangées de flacons impeccablement alignées. La 5e rangée en désordre. Celle des flacons d'élixir parégorique à la morphine. Pillé, c'est sûr. » Le pharmacien indique qu'il n'avait volé que du phénobarbital. « Ouais, dit Mix, et je veux bien le croire, mais l'autre pharmacien, le maigre, il a la tremblotte et son col de chemise est trempé. À mon avis, il se drogue. » « Oui, il a profité du braquage pour voler un flacon. Il n'a pris que ce que le voleur aurait pu emporter dans sa poche et que lui-même pouvait cacher sur lui. » Mix lui adresse un clin d'œil. « C'est puissamment raisonné, Charlie Chan. Je suis japonais, sergent. Je sais que vous ne voyez pas la différence, mais je ne suis pas un de ces foutus chinois. » Mix sourit jusqu'aux oreilles. « Pour moi, vous ressemblez à un Américain. » Ashida frise la pamoison. Les compliments le font toujours palpiter comme une. Il jette un regard vers l'autre bout du magasin. Pinker relève des empreintes sur la porte. Blanchard extorque des lames de rasoir au gérant. Le pharmacien toxicomane est plutôt verdâtre. Ses mains s'agitent convulsivement. Sa pomme d'Adam fait l'ascenseur. Mix s'approche de lui et empoigne son nœud de cravate. La cravate devient une laisse. Mix le ramène vers la section pharmacie et le pousse contre Ashida. Le drogué pisse dans son pantalon. Ashida le plaque contre le comptoir et vérifie qu'il n'a pas reçu d'éclaboussure. Le drogué tremble violemment. L'auréole d'urine s'agrandit. Mix décroche sa matraque de son ceinturon. Mit den Gesetzestafeln sind die Laster entzwei gegangen. Man schläft schon bei seiner Schwester ohne rechte Freude. Der Mord ist viel zu mühsam, die Literatur zu allgemein. Bei der Unsicherheit aller Verhältnisse ziehen es viele vor, die Wahrheit zu sagen, aus Unkenntnis der Gefahr. Die Kurtisanen pökeln Fleisch ein für den Winter und der Teufel holt seine besten Leute nicht mehr ab. Lied eines Freudenmädchens. I won't hurt you. Just be. Into the white sheets. Across the ankles. walls of your heart and caress my shoulders with your legs. I won't hurt you. I won't hurt you. Smile. Kiss me. Kiss me. Vous êtes bien sur le 100 FM pour la dernière émission de l'année civile 2016 de ce Lost in Space. On vient d'écouter Copernicus et maintenant c'est l'heure du troisième live de la soirée. Et là c'est Throbbing Gristle, enregistré en 1976. Throbbing Gristle, groupe majeur de la musique industrielle anglaise et mondiale même de la fin du XXe siècle. Et je vais vous laisser avec ça pour vous donner rendez-vous L'année prochaine pour encore une nouvelle saison de Lost in Space. Allez, amusez-vous bien, abusez pas trop du jour de l'an parce que dès le 2 janvier, il faudra retourner au taf, ça va être moins drôle. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Allez, à l'année prochaine, ciao. Thank you. Thank you. Thank you.